En Corée du Sud, selon les presses comme Sege Ilbo et New 6, les partis de l'opposition exigent de taxer Bakune de criminel et de procéder à l'enquête. Le 14 novembre, 70 députés du Parti démocrate de Bulon ont tenu une conférence de presse devant le grand parquet de Séoul. Ils ont dit que l'enquête du parquet a confirmé tous les soupçons relatifs à la collecte d'argent pour l'établissement de la fondation de Casport, à la suite des tests de discours et à d'autres que Bakune avait niés. Ils ont préconisé que Bakune n'est pas une personne de référence, mais la suspecte criminelle et l'auteur des scandales qui a poussé plus d'un million de bougies à se réunir devant la porte Kwanghwa. Le porte-parole responsable de ce parti a lui aussi tenu une conférence de presse le même jour pour accuser la présidente d'avoir abusé de la fonction publique pour seulement les profits de Choi Soon-sil, personnage influent en coulisses. Le président du comité de mesures d'urgence et représentant à l'Assemblée nationale du Parti du Peuple a exigé le 15 à la réunion de mesures de ses députés tenus à l'Assemblée nationale que le parquet procède à l'enquête comme il faut. Par ailleurs, le journal d'internet sud-coréen La Voix du Peuple a annoncé que 138 personnes de la paroisse de Cheonju du Corps national des prêtres catholiques pour la réalisation de la justice ont publié le 14 une déclaration d'actualité qui réclame la démission du pouvoir de Bakune.